15e chapitre. On peut se figurer si Cobus était content. Des idées de magnificence et de grandeur se débattaient alors dans sa tête. Il voulait voir Suzel et se montrer à elle dans une splendeur inaccoutumée. Il voulait en quelque sorte l'éblouir. Il ne trouvait rien d'assez beau pour la frapper d'admiration. Dans un temps ordinaire, il aurait loué la voiture et la vieille rosse d'un Baptiste Cromer pour faire le voyage, mais alors cela lui parut indigne de Cobus. Immédiatement après le dîner, il prit sa canne derrière la porte et se rendit à la poste aux chevaux sur la route de Kaiserslautern, chez maître Johann Fahnen, lequel avait 10 chaises de poste sous ses hangars et 80 chevaux dans ses écuries. Fahnen était un homme de 60 ans, propriétaire des grandes prairies qui longent le Losser, un homme riche et pourtant simple dans ses mœurs, gros, court, revêtu d'une souquenille de toile, coiffé d'un large chapeau de crin, ayant la barbe longue de 8 jours toute grisonnante et ses joues rondes et jaunes sillonnées de grosses rides circulaires. C'est ainsi que le trouva Fritz en train de faire étriller des chevaux dans la cour de la poste. Fahnen, le reconnaissant de loin, vint à sa rencontre jusqu'à la porte cochère, et levant son chapeau, il le salua disant « Eh, bonjour, monsieur Cobus, qu'est-ce qui me procure le plaisir et l'honneur de votre visite ?»« Monsieur Fahnen, » répondit Fritz en souriant, « j'ai résolu de faire une partie de plaisir à la fête de Bichem, avec mes amis Hahn et Schultz. » Toutes les voitures de la ville sont en route à cause de la rentrée des foins. Il n'y a pas moyen de trouver un char à banc. Ma foi, me suis-je dit, allons voir Monsieur Fahnen et prenons une voiture de poste. 20 ou 30 florins ne sont pas la mort d'un homme, et quand on veut s'amuser, il faut faire les choses grandement. Voilà mon caractère. » Le maître de poste trouva ce raisonnement très juste. « Monsieur Cobus, dit-il, vous faites bien et je vous approuve. Quand j'étais jeune, j'aimais à rouler rondement et à mon aise. Maintenant, je suis vieux, mais j'ai toujours les mêmes idées. Ces idées sont bonnes quand on a le moyen de les avoir, comme vous et moi. » Il conduisit Fritz sous son hangar. Là se trouvaient des calèches à la nouvelle mode de Paris, légères comme des plumes, ornées d'écussons et si belles, si gracieuses, qu'on aurait pu les mettre dans un salon, comme des meubles remarquables par leur élégance. Cobus les trouva fort jolies, et malgré cela, un goût naturel pour la somptuosité cossue lui fit choisir une grande berline rembourrée de soie intérieurement, un peu lourde, il est vrai, mais que Fahnen lui dit être la voiture des personnages de distinction. Il la choisit donc, et alors le maître de poste l'introduisit dans ses vastes écuries. Sous un plafond blanchi à la chaux, long de 120 pas, large de 60, et soutenu par 12 piliers en cœur de chêne, étaient rangés sur 2 lignes et séparés l'un de l'autre par des barrières, 60 chevaux, gris, noirs, brun, pommelé, la croupe ronde et luisante, la queue nouée en flot, le jarret solide, la tête haute, les uns hennissant et piétinant, les autres tirant le fourrage du râtelier, d'autres se tournant à demi pour voir. La lumière arrivant du fond par 2 hautes fenêtres éclairait cette écurie de longues traînées d'or. Les grandes ombres des piliers s'allongeaient sur le pavé, propre comme un parquet, sonore comme un roc. Cet ensemble avait quelque chose de vraiment beau, et même de grand. Les garçons d'écurie étrillaient et bouchonnaient. Un postillon en petite veste bleue brodée d'argent, son chapeau de toile ciré sur la nuque, conduisait un cheval vers la porte. Il allait sans doute partir en estafette. Le père Fahnen et Fritz passèrent lentement derrière les chevaux. « Il vous en faut 2, » dit le maître de poste. « Choisissez. » Cobus, après avoir passé son inspection, choisit 2 vigoureux roussins gris pommelés qui devaient aller comme le vent. Puis il entra dans le bureau avec M. Fahnen et, tirant de sa poche une longue bourse de soie verte à gland d'or, Il solda de suite le compte, disant qu'il voulait avoir la voiture à sa porte le lendemain vers 9 heures, et demandant pour postillon le vieux Zimmer qui avait conduit autrefois l'empereur Napoléon Ier. Cela fait, entendu, arrêté, le père Fanen le reconduisit jusque hors la cour. Ils se serrèrent la main et Fritz, satisfait, se remit en route vers la ville. Tout en marchant, il se figurait la surprise de Suzel, du vieux Krichtl et de tout Bichem lorsqu'on les verrait arriver, claquant du fouet et sonnant du cor. Cela lui procurait une sorte d'attendrissement étrange, surtout en songeant à l'admiration de la petite Suzel. Le temps ne lui durait pas. Comme il se rapprochait ainsi de Hunebourg, tout rêveur, le vieux Rebbe David, revêtu de sa belle capote marron et sourlée, coiffé de son magnifique bonnet de tulle à large ruban jaune, attirèrent ses regards dans le petit sentier qui longe les jardins au pied des glacis. C'était leur habitude de faire un tour hors de la ville tous les jours de sabbat. Ils se promenaient bras-dessus, bras-dessous, comme de jeunes amoureux, et chaque fois, David disait à sa femme « Sourlé, quand je vois cette verdure, ces blés qui se balancent et cette rivière qui coule lentement, cela me rend jeune, il me semble encore te promener comme à 20 ans, et je loue le Seigneur de ses grâces. » Alors la bonne vieille était heureuse, car David parlait sincèrement et sans flatterie. Le Rebbe avait aussi aperçu Fritz par-dessus la haie. Quand il le vit à l'entrée des chemins couverts, il lui cria « Kobus, Kobus, arrive donc ici !» Mais Fritz, craignant que le vieux rabbin ne voulût se moquer de son discours à la brasserie du grand cerf, poursuivit son chemin en hochant la tête. « Une autre fois, David, une autre fois » dit-il, « je suis pressé. » Et le Rebbe, souriant avec finesse dans sa barbiche, pensa « Sauve-toi, je te rattraperai tout de même. » Enfin, Kobus rentra chez lui vers 4 heures. Quoique les fenêtres fussent ouvertes, il faisait très chaud, et ce n'est pas sans un véritable bonheur qu'il se débarrassa de sa capote. « Maintenant, nous allons choisir nos habits et notre linge, » se disait-il tout joyeux en tirant les clés du secrétaire. « Il faut que Suzel soit émerveillée. Il faut que j'efface les plus beaux garçons de Bichem et qu'elle rêve de moi. Dieu du ciel, viens à mon aide, que j'éblouisse tout le monde. » Il ouvrit les 3 grands placards qui descendaient du plafond jusqu'au parquet. Madame Kobus, la mère, et la grand-mère Niklaus avaient eu l'amour du beau linge, comme le père et le grand-père avaient eu l'amour du bon vin. On peut se figurer d'après cela quelle quantité de nappes damassées, de serviettes à filets rouges, de mouchoirs, de chemises et de pièces de toile se trouvaient entassées là-dedans. C'était incroyable. La vieille Katl passait la moitié de son temps à plier et déplier tout cela pour renouveler l'air, à le saupoudrer de réséda, de lavande et de 1000 autres odeurs pour en écarter les mites. On voyait même tout au haut, pendus par le bec, 2 martins-pêcheurs au plumage vert et or et tout desséché. Ces oiseaux ont la réputation d'écarter les insectes. L'une des armoires était pleine d'antiques défroques, de tricornes à cocardes, de perruques, d'habits de peluches à boutons d'argent, larges comme des cymbales, de cannes à pommes d'or et d'ivoire, de boîtes à poudre avec leurs gros pinceaux de cygne. Cela remontait au grand-père Niklaus. Rien n'était changé. Ces braves gens auraient pu revenir et se rhabiller au goût du dernier siècle sans s'apercevoir de leur long sommeil. Dans l'autre compartiment se trouvaient les vêtements de Fritz. Tous les ans, il se faisait prendre mesure d'un habillement complet par le tailleur Hercules Schneider de Landau. Il ne mettait jamais ses habits, mais c'était une satisfaction pour lui de se dire « Je serai à la mode comme le gros Hahn si je le voulais. Heureusement, j'aime mieux ma vieille capote. Chacun son goût. » Fritz se mit donc à contempler tout cela dans un grand ravissement. L'idée lui vint que Suzel pourrait avoir le goût du beau linge, comme la mère et la grand-mère Kobus, qu'alors elle augmenterait les trésors du ménage, qu'elle aurait le trousseau de clés et qu'elle serait en extase matin et soir devant ses armoires. Cette idée l'attendrit. et il souhaita que les choses fussent ainsi, car l'amour du bon vin et du beau linge fait les bons ménages. Mais pour le moment, il s'agissait de trouver la plus belle chemise, le plus beau mouchoir, la plus belle paire de bas et les plus beaux habits. Voilà le difficile. Après avoir longtemps regardé, Cobus, fort embarrassé, s'écria « Cacle, cacle !» La vieille servante qui tricotait dans la cuisine ouvrit la porte. « Entre donc, Cacle !» lui dit Fritz. « Je suis dans un grand embarras. Hahn et Schultz veulent absolument que j'aille avec eux à la fête de Bichem. Ils m'ont tant prié que j'ai fini par accepter. Mais à cette fête arrivent des centaines de Prussiens, des juges, des officiers, un tas de gens glorieux, mis à la dernière mode de France, et qui nous regardent par-dessus l'épaule, nous autres Bavarois. Comment m'habiller? Je ne connais rien à ces choses-là, moi, ce n'est pas mon affaire. » Les petits yeux de Cattel se plissèrent. Elle était heureuse de voir qu'on avait besoin d'elle dans une circonstance aussi grave. Et posant son tricot sur la table, elle dit « Vous avez bien raison de m'appeler, monsieur. Dieu merci, ce ne sera pas la première fois que j'aurai donné des conseils pour se bien vêtir, selon le temps et les personnes. Monsieur le juge de paix, votre père, avait coutume de m'appeler quand il allait en visite de cérémonie. C'est moi qui lui disais « Sauf votre respect, monsieur le juge, il vous manque encore ceci ou cela. » Et c'était toujours juste. Chacun devait reconnaître en ville que, pour la belle et bonne tenue, monsieur Cobus n'avait pas son pareil. « Bon, bon, je te crois, » dit Fritz, « et je suis content de savoir cela, quoique les modes soient bien changées depuis. »« Les modes peuvent changer tant qu'on voudra, » répondit Cattel en approchant l'échelle de l'armoire. « Le bon sens ne change jamais. » Nous allons d'abord vous chercher une chemise. C'est dommage qu'on ne porte plus de culotte, car vous avez la jambe bien faite, comme monsieur votre père. Et la perruque vous aurait aussi bien convenu. Une belle perruque poudrée à la française, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, les gens comme il faut et les paysans sont tous pareils. Il faudra pourtant que les vieilles modes reviennent tôt ou tard pour faire la différence. On ne s'y reconnaît plus. Cattel était alors sur l'échelle et choisissait une chemise avec soin. Fritz, en bas, attendait en silence. Elle redescendit enfin, portant une chemise et un mouchoir sur ses mains étendues d'un air de vénération, et, les déposant sur la table, elle dit « Voici d'abord le principal. Nous verrons si vos Prussiens ont des chemises et des mouchoirs pareils. Ceux-ci, monsieur Cobus, étaient les chemises et les mouchoirs de grande cérémonie de monsieur le juge de paix. » « Regardez-moi la finesse de cette toile et la magnificence de ce jabot à six rangées de dentelles et ces manchettes les plus belles qu'on ait jamais vues à Hunebourg. Regardez ces oiseaux à longue queue et ces feuilles brodées dans les jours. Quel travail, Seigneur Dieu, quel travail !» Fritz, qui ne s'était jamais plus occupé de choses semblables que des habitants de la Lune, passait les doigts sur les dentelles et les contemplait d'un air d'extase, tandis que la vieille servante, les mains croisées sur son tablier, exprimait tout haut son enthousiasme. « Peut-on croire, monsieur, que des mains de femme aient fait cela ? » disait-elle. « N'est-ce pas merveilleux ?»« Oui, c'est beau, » répondait Cobus, songeant à l'effet qu'il allait produire sur la petite Suzle. Avec ce superbe jabot étalé sur l'estomac et ses manchettes autour des poignets, crois-tu, Cattel, que beaucoup de personnes soient capables d'apprécier un tel ouvrage? Beaucoup de personnes? D'abord, toutes les femmes, monsieur, toutes, quand elles auraient gardé les oies jusqu'à 50 ans, toutes savent ce qui est riche, ce qui est beau, ce qui convient. Un homme avec une chemise pareille, quand ce serait le plus grand imbécile du monde, aurait la place d'honneur dans leur esprit, et c'est juste, car s'il manquait de bon sens, ses parents en auraient eu pour lui. Fritz partit d'un éclat de rire. « Ha, ha, ha, tu as de drôles d'idées, Cattel, » fit-il. « Mais c'est égal, je crois que tu n'as pas tout à fait tort. Maintenant, il nous faudrait des bas. Tenez, les voici, monsieur, des bas de soie. Voyez comme c'est souple, moelleux, Madame Cobus elle-même les a tricotées avec des aiguilles aussi fines que des cheveux. C'était un grand travail. Maintenant, on fait tout au métier, aussi qu'elle bat. On a bien raison de les cacher sous des pantalons. » Ainsi s'exprima la vieille servante, et Cobus, de plus en plus joyeux, s'écria. « Allons, allons, tout cela prend une assez bonne tournure, et si nous avons des habits un peu passables, je commence à croire que les Prussiens auront tort de se moquer de nous. »« Mais, au nom du ciel, » dit Cattel, « ne me parlez donc pas toujours de vos Prussiens, de pauvres diables qui n'ont pas d'italeur en poche et qui se mettent tout sur le dos pour avoir l'air de quelque chose. Nous sommes d'autres gens, nous savons où reposer notre tête le soir, et ce n'est pas sur un caillou, Dieu merci. » Et nous savons aussi où trouver une bouteille de bon vin, quand il nous plaît d'en boire une. Nous sommes des gens connus, établis. Quand on parle de M. Cobus, on sait que sa ferme est à Meisenthal, son bois de hêtre à Michelsberg. Sans doute, sans doute. Mais ce sont de beaux hommes, ces officiers prussiens, avec leurs grandes moustaches, et plus d'une jeune fille en les voyant. Ne croyez donc pas les filles si bêtes, interrompit Cattel, qui tirait alors de l'armoire plusieurs habits et les étalait sur la commode. Les filles savent aussi faire la différence d'un oiseau qui passe dans le ciel et d'un autre qui tourne à la broche. Le plus grand nombre aime à se tenir au coin du feu, et celles qui regardent les Prussiens ne valent pas la peine qu'on s'en occupe. Mais tenez, voici vos habits, ils n'en manquent pas. Fritz se mit à contempler sa garde-robe, et au bout d'un instant, il dit « Cette capote à collet de velours noir me donne dans l'œil, Cattel. » « Que pensez-vous, monsieur ? » s'écria la vieille en joignant les mains. « Une capote pour aller avec une chemise à jabot ? » ?»« Et pourquoi pas ? L'étoffe en est magnifique. Vous voulez être habillé, monsieur ? » ?»« Sans doute. » »« Eh bien, prenez donc cet habit bleu de ciel qui n'a jamais été mis. Regardez !» Elle découvrait les boutons dorés encore garnis de leur papier de soie. « Je ne me connais pas aux nouvelles modes, mais cet habit m'a l'air beau. C'est simple, bien découpé, c'est aussi léger pour la saison. Et puis, le bleu de ciel va bien au blond. Il me semble, monsieur, que cet habit vous irait tout à fait bien. »« Voyons, » dit Cobus. Il mit l'habit. « C'est magnifique. Regardez-vous un peu. » »« Et derrière, Cattel ?»« Derrière, il est admirable, monsieur. » Il vous fait une taille de jeune homme. » Fritz, qui se regardait dans la glace, rougit de plaisir. Est-ce bien vrai ? C'est tout à fait sûr, monsieur. Je ne l'aurais jamais cru. Ce sont vos grosses capotes qui vous donnent 10 ans de plus. C'est étonnant. Elle lui passait la main sur le dos. Pas un pli. Cobus, pirouettant alors sur les talons, s'écria. « Je prends cet habit. Maintenant un gilet. Là, tu comprends, quelque chose de superbe dans le genre de celui-ci, mais plus de rouge. » Cattel ne put s'empêcher de rire. « Vous êtes donc comme les paysans du Korersberg qui se mettent du rouge depuis le menton jusqu'aux cuisses ? Du rouge avec un habit bleu de ciel. Mais on en rirait jusqu'au fond de la Prusse, et cette fois les Prussiens auraient raison. » « Que faut-il donc mettre ?» demanda Fritz, riant lui-même de sa première idée. « Un gilet blanc, monsieur ! Une cravate blanche brodée ! Votre beau pantalon noisette ! Tenez, regardez-vous-même » Elle disposait tout à l'angle de la commode. « Toutes ces couleurs sont faites l'une pour l'autre. Elles vont bien ensemble. Vous serez léger. » Vous pourrez danser si cela vous plaît. Vous aurez 10 ans de moins. Comment ? Vous ne voyez pas cela ? Il faut qu'une pauvre vieille comme moi vous dise ce qui convient. » Elle se prit à rire et Cobus, la regardant avec surprise, dit « C'est vrai, je pense si rarement aux habits. » « Et c'est votre tort, monsieur. L'habit vous fait un homme. Il faut encore que je cire vos bottes fines. » Et vous serez tout à fait beau. Toutes les filles tomberont amoureuses de vous. » Oh ! S'écria Fritz. Tu veux rire ? Non, depuis que j'ai vu votre vraie taille, ça m'a changé les idées. Mais il faudra bien serrer votre boucle. Et dites donc, monsieur, si vous alliez trouver à cette fête une jolie fille qui vous plaise bien et que finalement... Elle riait de sa bouche édentée en le regardant et lui, tout rouge, ne savait que répondre. « Et toi ? » fit-il à la fin. « Que dirais-tu ? Je serais contente. Mais tu ne serais plus la maîtresse à la maison. Eh, mon Dieu ! La maîtresse de tout faire, de tout surveiller, de tout conserver. Ah, qu'il nous en vienne seulement, qu'il nous en vienne une jeune maîtresse, bonne et laborieuse, qui me soulage de tout cela. Je serai bien heureuse, pourvu qu'on me laisse bercer les petits-enfants. Alors, tu ne serais pas fâchée, là, sérieusement ? Au contraire, comment voulez-vous ? Tous les jours, je me sens plus roide, mes jambes ne vont plus. Cela ne peut pas durer toujours. J'ai 64 ans, monsieur, 64 ans bien sonnés. Bah, tu te fais plus vieille que tu n'es, dit Fritz, intérieurement satisfait de ce désir qui s'accordait si bien avec le sien. Je ne t'ai jamais vue plus vive, plus alerte. Oh, vous n'y regardez pas de près. Enfin, dit-il en riant, le principal, c'est que tout soit en ordre pour demain. Il examina de nouveau son bel habit, son gilet blanc, sa cravate à coins brodés, son pantalon noisette et sa chemise à jabot, puis regardant Cattel qui attendait, « C'est tout ? » fit-il. « Oui, monsieur. Eh bien, maintenant, je vais boire une bonne chope. Et moi, préparer le souper. » Il décrocha sa grosse pipe d'écume de la muraille et sortit en sifflant comme un merle. Cattel rentra dans la cuisine.